Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un spectacle qui représente toute la nature. Cette musique représente Lubac. Lubac, c'est le versant de la colline qui se situe à l'ombre. Maintenant, nous allons vous présenter les arbres. Nous sommes la forêt. Et maintenant, voici les oiseaux. Je suis la tourterelle des bois. Je suis la mésange charbonnière. Je suis le rouge-gorge. Je suis le coucou. Je suis la citelle. Je suis le jet d'aisselle. Je suis le pique-pêche. Thank you.